Chapitre 10e, les gardiens du mort. Le comte mourut un vendredi matin, à la pointe du jour, nous l'avons déjà dit. La nouvelle de cette mort se répandit avec une promptitude étonnante. Avant la fin de la journée, tout Londres connaissait l'événement, et dès le lendemain samedi, le domaine d'East Lane se trouvait envahi par une multitude de ces individus que feu Lord Mountsavern appelait volontiers du nom de harpies. C'étaient des créanciers de toute espèce, de toutes conditions. Les uns venaient réclamer de faibles sommes, les autres le paiement de dettes assez considérables, et variant de 2 à 300 000 francs. Les uns se montraient polis et respectueux, les autres irascibles et impatients. Ceux-ci parlaient à voix haute avec morgue et colère. Ceux-là se disposaient à exécuter les meubles et à opérer la saisie du cadavre. Ce dernier acte fut accompli d'une manière habile, avec une parfaite entente de la chose. Deux hommes au regard sombre, au nez crochu, se glissèrent tranquillement et sans qu'on s'en aperçût hors de la foule tumultueuse. Puis, s'arrêtant un instant pour voir s'ils n'étaient point épiés ou suivis, ils s'engagèrent tous deux furtivement dans un escalier dérobé qui d'ordinaire servait aux gens de service. Au bruit d'une sonnette qu'avait tirée l'un d'eux, une cuisinière vint ouvrir. « A-t-on apporté le cercueil ?» demanda l'un des deux nez crochus. « Le cercueil ?» fit la cuisinière. « Non, il n'est pas encore arrivé. » Monsieur John ne doit l'envoyer qu'à 9 heures. « C'est bon, » ajoutèrent les deux inconnus. « Nous l'attendrons, car il doit être en route. Veuillez nous conduire dans la chambre du défunt, et nous allons tout préparer. » La cuisinière appela le sommelier. « Voici deux hommes qui viennent de la part de l'entrepreneur des pompes funèbres, » dit-elle. « Ils attendent le cercueil et voudraient voir si tout est prêt dans la chambre du comte. » Le sommelier les mena près du lit mortuaire. « Il est inutile que vous restiez ici. » fit l'un d'eux en s'apercevant que l'officier de la maison ne paraissait point disposé à les laisser seuls. Le sommelier s'en alla, et les deux inconnus, après avoir refermé la porte, s'assirent tranquillement de chaque côté du mort. Ils avaient ainsi fait arrêt sur le cadavre, ils se l'étaient approprié, et ils étaient décidés à n'abandonner leur triste proie que lorsque l'on aurait consenti à faire droit à leur demande. Depuis une heure à peu près, ils avaient l'oreille au guet et montaient lugubrement la garde devant ce corps inanimé, quand soudain la porte s'entr'ouvrit et Lady Isabella apparut à leurs yeux. Ce n'était pas la première fois qu'elle entrait ainsi dans cette chambre mortuaire. La veille, elle était venue à plusieurs reprises, d'abord avec la femme de charge, puis toute seule. Et cependant, le matin en question, elle avait encore peur. Elle éprouvait une sorte de malaise dans toute sa personne, et la tête penchée sur la poitrine, les yeux fixés sur le parquet, elle alla droit au lit, précipitamment, sans s'arrêter et sans oser regarder autour d'elle. Ce ne fut que lorsqu'elle se trouva en face de la couche où gisait son père qu'elle reconnut la présence de ces deux étrangers à la mine funèbre et suspecte. Elle recula, surprise et épouvantée. Puis l'idée lui vint que c'était peut-être des gens du voisinage qui, entraînés par un sentiment de curiosité, violaient ainsi toutes les lois de la bienséance. Elle voulut appeler à son aide, mais se ravisant. « Que demandez-vous ? » leur dit-elle. « Nous ne demandons rien, nous sommes forts à notre aide, » fit l'une des sentinelles sans bouger de son poste. Il y avait dans l'extérieur de ces deux individus, ainsi que dans le son de cette voix qu'elle venait d'entendre, quelque chose de lugubre et de mystérieux qui glaçait Lady Isabelle de terreur. « Mais enfin, pourquoi êtes-vous ici? Que faites-vous dans cette chambre ?»« Puisque vous le désirez, » continua celui qui avait déjà pris la parole, « je vais vous la prendre. Je suppose que vous êtes sa fille. » murmura-t-il en indiquant du doigt le cadavre de Lord Mountsavern. « Eh bien, mademoiselle, nous sommes ici pour remplir une tâche assez désagréable. Nous sommes venus nous emparer du corps. » Isabelle fixait sur eux des yeux étonnés. Le sens de ses paroles lui échappait entièrement. « Votre père, » se hâta d'ajouter le même individu, « votre père, vous ne l'ignorez pas, sans doute, est mort très endetté. Or, notre patron, qui est l'un de ses plus forts créanciers, nous a envoyé ici avec l'ordre de faire main basse sur sa dépouille mortelle. » Lady Isabelle demeurait pétrifiée de surprise et de terreur. Son front perlait de gouttes de sueur. Arrêter un mort. Jamais elle n'avait entendu parler d'un fait semblable. L'arrêter. Dans quel but? Avec quelle intention? Était-ce pour le torturer, le défigurer, le vendre? Le cœur palpitant, la poitrine haletante et le visage blême, elle s'enfuit de la chambre et rencontrant Madame Maison sur l'escalier, elle se précipita au-devant d'elle, éperdue comme une folle, s'empara violemment de ses deux mains, projeta sur elle un œil étincelant et fiévreux, puis, indiquant d'une main agitée et tremblante l'endroit d'où elle sortait, « Là » balbutia-t-elle, « là, des hommes !»« Qu'avez-vous? Quels hommes ?» demanda Madame Hazen, effrayée de la voir dans un état pareil. « Je ne sais pas, je ne sais pas, » continua la pauvre enfant d'une voix entrecoupée par les sanglots. « Mais ils sont là, là, et ils disent que le cadavre est à eux. » La femme de charge, ne sachant ce que signifiait tout ceci, se décida à laisser Lady Isabelle seule un moment et à se rendre elle-même dans la chambre du défunt pour éclaircir ce mystère. Lady Isabelle sentait ses genoux se dérober sous elle. Il lui fallut, pour se soutenir, s'appuyer sur la rampe de l'escalier. Elle était si faible et si chancelante qu'elle n'osait faire un pas. Une discussion tumultueuse venait de surgir en bas, dans le vestibule, où se trouvaient rassemblés les créanciers, marchands, commerçants et usuriers. De plus en plus épouvantée, elle retint son souffle et prêta une oreille attentive, car elle ne pouvait s'expliquer ce qui se passait. « Pourquoi vous obstinez ainsi à demander après Lady Isabelle ?» s'écria avec colère le sommelier. « Elle est assez malheureuse comme cela. D'ailleurs, elle ne sait rien des affaires du comte. « Je veux la voir et je la verrai !» vociféra avec rage le créancier. « Si elle se considère trop grande dame pour venir s'entendre avec nous, j'irai la trouver moi-même. « Comment ? » ajouta-t-il, en s'animant de plus en plus. « On nous a escroqué à tous de l'argent et maintenant on nous dit qu'il n'y a personne dans la maison, personne que la jeune fille, et qu'il ne faut pas la déranger. Ah, c'est pas trop fort ! Elle n'a pourtant pas hésité, la jeune dame, à aider son père à gaspiller notre argent. » « Si elle persiste à ne pas nous recevoir, c'est une femme sans cœur, sans probité, sans honneur. » Lady Isabelle, en entendant ces paroles, eut peine à maîtriser sa colère. Elle se laissa glisser de quelques marches, en s'appuyant toujours sur la rampe, puis, se penchant en dehors de la balustrade. « Que signifie tout ce tumulte ? Que se passe-t-il » demanda-t-elle au sommelier. « Ma lady ! » s'écria vivement et d'une voix suppliante le vieux serviteur. « Ne descendez pas, je vous en conjure. Votre présence ne ferait que les irriter davantage. D'ailleurs, je vais l'envoyer chercher M. Carlyle. » « Mon père leur devait-il réellement de l'argent ?» continua la pauvre fille. « Oui, ma lady, je le crains. » Lady Isabelle se redressa brusquement. Sa résolution était prise. Sans plus tarder, elle descendit au vestibule, le traversa lentement, et pénétra dans la salle à manger où s'étaient retirés les principaux mécontents, ceux qui faisaient le plus de bruit. À sa vue, le silence se rétablit aussitôt et l'on eût dit que cette tourbe, tout à l'heure si grossière, si rapide et si rapace, allait se laisser subjuguer par les attraits de cette douce et suave apparition. Elle était si jeune, en effet, elle semblait si pure et si candide, dans sa simple robe de mousseline, sa figure encadrée par les boucles flottantes de ses longs cheveux, respirait tant d'innocence et paraissait si peu habituée aux luttes de la vie que tous ces hommes, aux allures brusques, aux manières effrontées, étaient subitement devenus calmes et respectueux. « J'ai entendu il y a un instant, » commença Lady Isabelle d'une voix émue et tremblante, « des plaintes se formulaient sur mon compte. Me voici. Que me voulez-vous ? » Chacun des assistants exposa ses griefs, mais avec réserve et circonspection. Ce fut un long et pénible récit qui navra le cœur de la malheureuse orpheline. Les créances étaient nombreuses et lourdes. Il y en avait de divers genres. Billets payables à vue, lettres de change échues depuis longtemps, d'autres dont le terme du paiement n'était pas encore arrivé. Enfin, des dettes de toutes sortes, dettes exigibles, dettes usuraires, dettes caduques, dettes flottantes et par-dessus tout, les dettes criardes, les sommes dues aux domestiques, aux laboureurs, aux gens de la ferme, aux boulangers et aux bouchers. Qu'allait faire Isabelle Vane ? Que pouvait-elle répondre ? Quelle partie devait-elle prendre ? Elle était là, immobile et muette, ne sachant que dire, et fixant sur eux des yeux pleins de douleur et de sympathie. « Le fait est, ma jeune dame, » continua l'un des créanciers à l'extérieur assez distingué, « le fait est que nous n'aurions pas songé à venir vous tourmenter en un moment pareil. N'était que Warburton et Ware, les deux hommes d'affaires de monsieur votre père, nous ont prévenus que nous ne pouvions espérer toucher quelque chose que par la vente des meubles. En pareil cas, les premiers venus sont ordinairement payés avant les autres. Je me suis donc levé de bonne heure ce matin et je me suis mis en mesure de procéder à cette exécution judiciaire. Malheureusement pour vous, mon cher monsieur, j'ai pris les devants, fit observer un individu qui, à en juger par la courbure fort accentuée du nez, devait être un proche parent des deux gardes-morts. Mais il n'y a pas là de quoi vous désoler. En admettant que le produit de la vente des meubles fut partagé entre nous tous, le résultat serait le même que si l'on jetait un seau d'eau dans la Tamise. « Mais enfin !» s'écria Lady Isabelle, en proie à la plus vive agitation. « Que puis-je faire ? Que voulez-vous que je fasse ? Je n'ai pas d'argent, je... Nous ne le savons que trop !» ajouta l'un des assistants, homme au visage maigre et pâle. « Nous ne le savons que trop » répéta-t-il, « et s'il faut en croire à la rumeur publique, vous seriez plus à plaindre que nous tous. » Votre père n'était qu'un vaurien, s'écrit avec colère un autre personnage. Il a trompé tout le monde, il a ruiné des milliers d'honnêtes gens. Ces paroles furent aussitôt accueillies par de violents murmures, car malgré leur dehors brusque et grossier, la plupart de ces hommes avaient encore assez de cœur pour ne pas laisser ainsi insulter une jeune fille isolée au milieu d'eux et sans personne pour la protéger. « Je maintiens ce que j'ai dit, » répéta le même individu, sans se préoccuper des grognements et des sifflets qui couvraient sa voix. « Je maintiens ce que j'ai dit, et je vous somme de m'apprendre, mademoiselle, s'il y a dans la maison de l'argent comptant, que... » Car là, il fit tout à coup son entrée dans la salle. En apercevant les traits bouleversés de Lady Isabelle, ainsi que le tremblement dont étaient affectés tous ses membres, il devina ce qui se passait, et marchant droit et hardiment vers celui qui pérorait encore. « Que demandez-vous ? » lui dit-il d'un ton ferme et plein d'autorité. « Que signifie cette scène ?»« Parbleu ! » riposta l'orateur. « Vous devez bien savoir ce que nous demandons. Et si vous étiez l'ami du défunt, vous n'êtes pas sans connaître qu'il nous doit de l'argent. »« C'est possible, » continua Carlyle, « mais ce n'est ni le moment ni l'endroit de faire vos réclamations. Adressez-vous à Warburton et Ware. » »« C'est ce que nous avons fait, et ils nous ont poliment éconduits en nous annonçant que nous n'obtiendrions rien. » »« Dans tous les cas, » reprit Carlyle, « votre présence ici est déplacée. » Puis, promenant ses regards sur l'assemblée entière, « Je vous invite, messieurs, à évacuer ces lieux, et cela sans plus tarder, » fit-il avec décision. Les créanciers ne semblaient nullement disposés à se conformer à cet ordre. « À votre guise, » continua Carlyle, « mais je crois devoir vous avertir que ce refus de votre part peut entraîner pour vous de fâcheuses conséquences. Vous n'avez aucun droit d'être ici, car ce domaine n'appartenait pas à Lord Mountsaverne, il l'avait vendu quelque temps avant sa mort. Sans être que tout cela, adressez-vous à d'autres, nous connaissons ces subterfuges, » firent-ils avec dérision. « Écoutez-moi, messieurs, » reprit l'avoué en les apostrophant d'une manière simple et pleine de dignité. « Ce serait folie à moi de vous induire en erreur, alors qu'il vous sera bientôt si facile de connaître l'état véritable où se trouvent les affaires du comte. Or, je vous jure sur l'honneur que ce domaine, ainsi que tous les meubles qu'il renferme, est passé, par acte notarié, depuis plusieurs mois, entre les mains d'un étranger. Lord Mountsaverne n'y a séjourné et n'y est mort que parce que le propriétaire actuel l'avait invité à demeurer ici quelque temps. Si vous doutez de mes paroles, vous pouvez aller consulter ces hommes d'affaires. » « Et qui a acheté cette propriété ?» demandèrent les créanciers. « Monsieur Carlyle, de West Lynne. » « Quelques-uns d'entre vous le connaissent peut-être de réputation ?»« Oui, nous en avons entendu parler, c'est un famatoire, aussi habile que l'était son père. »« Eh bien, ce Carlyle, c'est moi. » »« Et puisque vous voulez bien me considérer comme un famatoire, vous ne pouvez pas supposer que j'eusse risqué mon argent en signant un contrat qui ne fut pas parfaitement légal et dans les formes prescrites. » « Et vous avez remis l'argent au compte ?» demanda quelqu'un. « Oui, certes, j'ai payé argent comptant au mois de juin dernier. » « Et peut-on savoir ce que Lord Mountsaverne a fait de cette somme ?»« Je l'ignore, cela ne me regarde point. » De nouveaux murmures s'élevèrent dans la salle. « Il est étrange, vraiment étrange, » s'écria la foule, « que le comte ait consenti à vivre ainsi aux crochets d'un ami. » « Pensez-en ce que bon vous semblera, » fit l'avoué, « cela m'est égal. » « Et vous nous assurez que vous avez acheté les meubles ?»« Tout ce qu'il y a dans le château m'appartient. Je suis prêt à en fournir les preuves. Maintenant, messieurs, comme je suis ici chez moi et que je ne vous dois rien, vous me permettrez de vous congédier. » »« Mais à ce compte, » s'écrit avec des piles l'homme décrochu, « vous faites même bas sur tout et sans doute même sur la voiture et les chevaux. » »« Ce qui m'appartient de droit et de par la loi, je me l'approprierai. » répondit Carlyle avec fermeté et relevant fièrement la tête. « Quant aux chevaux et à la voiture, cela ne me regarde point. Lord Mountsaverne les a amenés ici avec lui, lorsqu'il est venu s'y établir momentanément. Et ces excellentes bêtes ne prendront pas le mort aux dents ? Je vous en réponds, » fit le nez crochu en se frottant les mains. « Elles sont sous bonne garde. Quel infâme borien que ce Mountsaverne !»« Taisez-vous !» interrompit Carlyle avec chaleur. « Quelles qu'étaient les fautes de Lord Mountsaverne, vous n'avez pas le droit d'insulter sa fille et de la blesser. Comme vous le faites, dans ses sentiments les plus chers, c'est une honte, » continua-t-il en s'animant de plus en plus, « une abomination. Vous êtes tous indignes du nom d'anglais. » Puis, offrant sa main à Lady Isabelle, « venez, et je reviendrai seul ici m'entendre avec ces hommes. » Mais Isabelle, immobile et muette, se refusait à partir. Les révélations qu'elle venait d'entendre l'avaient saisie de douleur. Elle comprenait que son père avait fait du tort à toutes ces personnes qui l'entouraient maintenant. Il ne pouvait se résoudre à s'en aller sans leur témoigner ses regrets et sa sympathie. mais c'était là une tâche difficile. La honte et la crainte la faisaient tour à tour rougir et pâlir. Enfin, dominant par un suprême effort l'émotion qu'elle ressentait. « Je suis désolée, » balbutia-t-elle, et de grosses larmes jaillirent de ses yeux. « J'ignorais tout ceci, » continua-t-elle. « Mon père ne me parlait jamais de ses affaires. J'ai lieu de croire que je suis moi-même réduite à la pauvreté. S'il me restait quelque chose, je m'empresserais de le partager entre vous tous. Si jamais ma position s'améliore, si jamais il m'arrive une fortune, je paierai tout ce qu'il vous est dû. » Tout. La pauvre enfant se doutait peu de la valeur de cette expression. Mais qu'importe, de telles promesses, faites en de telles circonstances, ne sauraient avoir aucune importance. De tous les créanciers qui étaient là réunis, il n'y en eut pas un qui ne fût profondément touché à la vue de cette douleur si vive, de cette infortune si grande. Car là, elle se hâta d'emmener la jeune fille, et dès qu'il eut refermé la porte derrière lui, Isabelle donna un libre cours à ses larmes. « Je voudrais pouvoir vous exprimer combien je regrette tout ce qui vient d'arriver, » lui dit Carlyle. « Si j'avais pu prévoir ceci, je vous en aurais certainement évité le chagrin. Voulez-vous que j'appelle Madame Mason, ou pensez-vous pouvoir monter seule à votre chambre ?»« Oui, je puis y aller seule, je ne suis point malade. Cependant, je me sens abattue et j'ai peur. Qu'il y a là-haut, auprès de mon père, deux hommes ?» Carlyle, étonné, regarda la jeune fille et s'aperçut qu'il frissonnait de la tête aux pieds. « Je ne sais pas au juste ce que cela veut dire, mais cela m'épouvante, » continua Isabelle. « Ils sont là, assis à ses côtés, et ils disent qu'ils en font leurs prisonniers. » Il y eut un moment de silence. Carlyle, plongé dans une morne stupeur, tenait ses yeux fixés sur Lady Isabelle. Tout à coup, il releva la tête et questionna du regard le sommelier qui se tenait debout à ses côtés. Le sommelier, sans proférer une parole, se borna à répondre par un geste de mauvais augure. « Si vous le permettez, Lady Isabelle, « je me débarrasserai d'abord de la société que nous avons là, » dit l'avoué en indiquant du doigt la salle à manger, « puis j'irai me rejoindre en haut. »« Ce sont deux mécréants qui se sont emparés du cadavre, » murmura le sommelier à l'oreille de Carlyle lorsque Lady Isabelle fut partie. « Ils se sont introduits ici furtivement, et pour se faire admettre dans la chambre mortuaire, ils ont eu recours au mensonge. Ils nous ont fait accroire qu'ils venaient pour le mettre dans la bière. Depuis lors, ils nous ont avoué que c'était là un tour pour s'approprier le mort, et qu'on ne l'enterrerait que lorsque les dettes seraient soldées. Ça nous a tellement bouleversés que nous en sommes tous malades. Madame Mason en a eu mal au cœur. » Carlyle tout d'abord alla dans la salle où l'attendait avec impatience la masse des créanciers. Et là, il lui fallut endurer de nouveau la colère de ces malheureux, qui ne cessaient par leurs paroles d'avilir le comte et de vilipender sa mémoire. Quelques-uns veillent leur précaution, comme cela se pratique assez souvent en Angleterre, où la santé des grands personnages est cotée à l'instar des consolidés, d'assurer leur vie aux dépens de Lord Mountsavern, et ceux-ci étaient les moins à plaindre. Enfin, ils se décidèrent à évacuer la salle et à se retirer, car Carlyle leur avait prouvé qu'il était le propriétaire légitime d'East Lynne, et sachant que la loi leur donnerait tort, ils ne se souciaient guère d'avoir des démêlés avec la justice. Mais tout n'était pas fini, et Carlyle comprit qu'il ne lui serait pas aussi facile de se délivrer des sentinelles de la mort. Il se rendit néanmoins auprès d'elle, et les questionnant tour à tour, il s'enquit de leurs droits. Ces droits étaient réels, il n'y avait pas moyen même de les contester. Les sentinelles postées auprès du cadavre de Lord Mountsavern exerçaient un privilège reconnu par la loi, et avant d'entrer en discussion avec ces croque-morts d'un genre nouveau, il fallait de toute nécessité attendre l'arrivée de M. Vane de Castle Marling, c'est-à-dire de celui qui allait désormais prendre le titre de comte de Mountsavern. Le lendemain, qui était un dimanche, Carlyle fut de bonne heure à East Lynne, espérant y trouver M. Vane. Mais celui-ci n'avait pas donné signe de vie. Lady Isabelle était assise dans le boudoir, sur un petit sofa, à côté duquel se trouvait un guéridon. Bien qu'elle fût en face d'un bon feu, tous ses membres grelottaient. Carlyle, en entrant, fut frappé de son air maladif, et il ne put s'empêcher de lui en faire la remarque. « Je n'ai pas fermé les yeux de la nuit, » lui dit Isabelle, « je tremble de froid. » C'est la frayeur qui m'empêchait de dormir. Et à quel propos cette frayeur ? Demanda l'avoué. Oh, ces deux hommes, murmura-t-elle, je les ai toujours devant moi. N'est-il pas étrange que M. Bay ne soit pas encore venu ? La poste est-elle arrivée ? Je l'ignore. Du moins, l'on ne m'a rien remis. À peine achevait-elle ces mots que le sommelier apparut, tenant à la main un plateau d'argent sur lequel se trouvaient plusieurs lettres. La plupart étaient des lettres de condoléances. Elle en prit une qui portait la marque particulière du bureau de poste de Castle Marling. c'est l'écriture de Madame Vane, fit-elle en regardant la suscription. Et brisant le cachet, elle lut ce qui suit. Castle Marling, samedi. Ma chère Isabelle, j'ai moi-même ouvert la lettre de M. Carlyle, car lorsqu'elle est arrivée ici, mon mari était parti faire une croisière dans son yacht. C'est à peine si je sais comment vous exprimer l'étonnement et la douleur que m'a causé la triste nouvelle. Mon mari ne peut être très éloigné de la côte. Il doit être de retour ici demain dimanche, du moins il me l'a promis. Soyez convaincu qu'il ira en toute hâte à Eastline. Je suis trop bouleversé pour vous écrire davantage, mais croyez à ma sympathie. Ne vous laissez point battre et comptez sur l'amitié de votre toute dévouée, Emma Mountsavern. À la vue de la signature, le rouge monta subitement aux joues pâles de la jeune fille, et elle se mit à penser intérieurement qu'il était peu généreux et peu digne, surtout de la part d'Emma Vane, de profiter ainsi de cette première occasion pour se décorer du titre de Mountsavern. Isabelle poussa un soupir et tendit la lettre à Carlyle qui la parcourut d'un coup d'œil rapide. Arrivé à la signature, il fronça les sourcils et se pinça les lèvres. Sans aucun doute, il se sentait froissé à son tour par la même idée qui avait traversé l'esprit d'Isabelle. « Si Madame Vane avait un peu de cœur, s'écria-t-il vivement et sous l'impression du moment, elle serait accourue ici elle-même. » Isabelle cacha son front dans ses mains et demeura pensive. De sombres visions l'agitaient. Et à ses yeux tournoyaient les difficultés sans nombre contre lesquelles elle allait avoir à lutter. Aucun ordre n'avait encore été donné pour le service et l'enterrement, et elle sentait qu'elle n'avait pas le droit d'émettre, à cet égard, ses propres désirs. Jusqu'alors, tous ses ancêtres avaient eu pour lieu de sépulture le château de Mountsavern, mais transporter là le corps de son père, c'était encourir de très grands frais, et le nouveau comte serait-il disposé à donner son consentement? Ses idées et d'autres encore, non moins lugubres, la poursuivaient en ce moment, car la pauvre enfant, depuis les quelques heures que son père était mort, avait fait une rude expérience de la vie, et déjà l'adversité avait mûri son jugement. Quelle que fût l'opinion du monde touchant le caractère de Lord Mountsavern, il est certain qu'Isabelle Vane regrettait vivement et sincèrement sa mort. Elle avait aimé son père, et elle avait toujours eu pour lui un très grand respect. Toutefois, au milieu de la douleur qu'elle éprouvait en ce moment, au milieu des embarras inextricables où elle se trouvait si subitement plongée, elle ne pouvait s'empêcher de songer quelque peu à son propre avenir. Devant elle s'ouvrait un abîme profond, ténébreux, et en présence duquel sa faible intelligence reculait épouvantée, n'osant sonder le fond. Des bruits confus bourdonnaient à ses oreilles, et lui semblait entendre une voix lui murmurer ces paroles fatales « Vous êtes sans asile, sans un sou vous appartenant ». Quelle résolution allait-elle prendre? Chez qui se réfugierait-elle? Comment payer aux domestiques les gages qui leur étaient dus? Elle n'était plus chez elle, mais chez un étranger, et ne devait-elle pas partir sur le champ? Toutes ses pensées tourbillonnaient à la fois dans son cerveau surexcité. Elle comprenait toute l'horreur de sa position, et elle se sentait comme accablée sous le poids d'une force inconnue. « Monsieur Carlyle, s'éclata-t-elle en sortant tout à coup de cette morne rêverie, y a-t-il longtemps que cette maison vous appartient ? Je l'ai achetée au mois de juin dernier. Lord Mountsavern ne vous en a-t-il jamais parlé ? Non, jamais. Tout ce qu'il y a ici vous appartient, sans doute ? Demanda-t-elle en jetant un regard autour de la chambre. Le mobilier a été compris dans la vente, répondit l'avoué. Mais, ajouta-t-il en indiquant du doigt quelques pièces d'argenterie qui étaient sur le plateau, ceci n'est pas à moi, pas plus que le linge. Le linge et l'argenterie, répéta la jeune fille. Alors ces pauvres gens qui sont venus hier pourront s'en emparer, je l'ignore. Mais j'ai lieu de supposer que l'argenterie, les joyaux, les pierreries reviennent de droit à l'héritier du titre. Quant au linge, c'est une autre affaire, mais cela ne saurait rapporter grand-chose. Et puis-je conserver les vêtements que je porte ? Carla la regarda en souriant tristement. Cette question si simple et si naïve l'avait profondément émue. « Sans doute, répondit-il, personne n'oserait les réclamer. « Que voulez-vous ? » soupira la pauvre enfant. « Je n'entends rien à tout ceci. Ce qui se passe actuellement est pour moi un mystère, et tant de calamités assiègent cette demeure depuis 2 jours que j'en perds vraiment la tête. » Et comment, en effet, pouvait-elle s'expliquer tant d'événements étranges ? Pour elle, il lui était difficile de comprendre comment le domaine d'Eastline était passé aux mains de Carlyle. « Mon père vous doit-il de l'argent ? » fit-elle en hésitant. « Non, » répliqua Carlyle. « Lord Mountsavern ne m'a jamais rien emprunté. » Comment alors êtes-vous devenu le propriétaire d'Eastline ? Je cherchais à placer convenablement et avantageusement mon argent, dit l'avoué, qui commence à saisir la pensée qui préoccupait Isabelle. Eastline étant à vendre, j'ai cru que c'était là une bonne occasion d'employer mes fonds. Je sens toute l'humiliation de ma position actuelle, s'écria-t-elle en versant d'abondantes larmes. Je sens que je ne suis plus ici qu'une importune. Mais que puis-je faire? Ce n'est pas ma faute. Du moins, interjeta Carlyle, est-ce votre faute si vous me faites de la peine? Et vous m'en faites beaucoup en me parlant ainsi. Croyez-moi, j'éprouve un vrai bonheur à vous voir dans cette maison, et tant qu'il vous plaira d'y rester, restez-y, cela me rendra heureux. Je vous le dis sincèrement, la main sur le cœur. Merci, murmura Isabelle, vous êtes bien bon, et j'accepte. Pour quelques jours, jusqu'à ce que mes pensées soient plus calmes, jusqu'à ce que... Oh, monsieur Carlyle, s'écria-t-elle en coupant brusquement sa phrase. Dites-moi si véritablement les affaires de mon père sont dans un aussi triste état. Ne me reste-t-il rien? Rien? Carlyle aurait pu se tirer adroitement de l'embarras où le plongeait cette question. Il aurait pu avoir recours à un mensonge et faire croire à Lady Isabelle qu'elle aurait toujours assez pour vivre. Mais il possédait une nature droite, honnête et franche, et n'aimait point les détours et les subterfuges. Votre avenir ne se présente pas sous un jour très brillant, répondit-il. Toutefois, il est possible que le comte, votre père, ait pris des mesures pour assurer votre existence. Warburton et Ware. Non, interrompit-elle vivement. Mon père ne m'a jamais constitué aucune dot, je le sais. Je vois maintenant les choses telles qu'elles sont. Je suis privé de tout. Je suis sans asile. Je n'ai ni sou ni maille. Cette maison est la vôtre. L'hôtel et le château Mountsavern appartiennent à M. Vane. Et moi, je suis dans le dénuement le plus complet. Mais, fit observer Carlyle, M. Vane ne sera que trop enchanté de vous accueillir dans votre vieille et antique demeure. Moi, me résoudre à vivre avec Mme Vane? Ah, vous n'y pensez pas, s'écria Isabelle dans le feu de la fièvre. Veuillez m'excuser. Me pardonnez mon indiscrétion, reprit Carlyle. Je n'aurais pas dû, je le sens, me mêler de vos affaires. Ne me demandez point pardon, fit-elle avec plus de calme. Je devrais, au contraire, me trouver trop heureuse de voir que quelqu'un s'intéresse encore à moi. Vous avez le cœur généreux, vous, et vous devez comprendre qu'il me serait impossible de passer ma vie à côté de Mme Vane. Carlyle se leva pour partir. Il sentait que sa présence était inutile, pour le moment du moins. Et d'ailleurs, en prolongeant plus longtemps sa visite, il craignait de paraître indiscret. Il se borna à recommander à Lady Isabelle de garder auprès d'elle une amie, Mme Ducie, excellente femme, qui serait pour elle comme une mère. Isabelle reçut cette proposition en tremblant. On eût dit qu'un frisson glacé parcourait tout son être. « Oh non, je ne pourrais consentir à laisser une étrangère pénétrer ici en un tel moment, alors que dans la chambre de mon père il y a... Non, non, c'est impossible. Madame Ducie s'est présentée ici hier, peut-être bien pour rester avec moi, je l'ignore. Je n'ai pas voulu la recevoir. Je craignais qu'elle ne me questionnât au sujet de ces deux hommes. C'eût été affreux. Oh non, j'aime mieux être seule. » Carlyle était sur le point de quitter la maison lorsque la femme de charge accourut à lui et l'arrêta au passage. « Monsieur, avez-vous eu des nouvelles de Castle Marling ? Pas on ne m'assure qu'une lettre est arrivée. Monsieur Vane va-t-il venir ?»« Monsieur Vane, répondit l'avoué, était absent lorsque ma lettre est parvenue chez lui. Toutefois, sa femme écrit prononcer qu'elle l'attendait hier. Il y a donc tout lieu d'espérer qu'il sera ici aujourd'hui. Qu'allons-nous faire s'il ne vient pas ? Continua la femme de charge d'un ton mystérieux. Le cercueil de plomb devrait déjà être fermé et soudé, car vous savez l'état dans lequel se trouvait le cadavre au moment même de la mort. Mais, interjeta Carlyle, il n'est pas nécessaire que M. Vane soit présent à cette opération. C'est évident, reprit la femme, mais ce n'est pas là ce que je veux dire. Je crains que ces deux individus qui font sentinelle près du corps ne veuillent point consentir à ce que la bière soit fermée. L'entrepreneur des pompes funèbres est venu ici ce matin de bonne heure, mais il n'a pu faire entendre raison à ses hommes. Ils lui ont dit qu'ils ne voulaient point perdre de vue le cadavre. Ces paroles nous ont paru significatives, mais nous n'avons pas osé entrer en discussion avec eux. Pensez-vous qu'on ait le droit d'empêcher l'enterrement ? Ma parole d'honneur, je n'en sais rien, répliqua Carlyle. C'est là un fait qui ne se présente si rarement que j'ignore au juste ce que dit la loi à cet égard. Dans tous les cas, ne parlez pas de ceci à Lady Isabelle. Et dès que monsieur... ou plutôt dès que Lord Mountsavern arrivera, faites-le-moi savoir.